الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل مع مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى المجلس 25 فبعدما ذكر الشيخ رحمه الله وصف الجنة ثم ذكر خصائص أهل الجنة ذكر في المجلس 25 وصف النار هذا من باب الترغيب والترهيب لضمان 6 24 شيخ رحمه الله toujours avec les assises du mois de Ramadan de Cheikh Mohamed Saleh Al-Uthaymeen رحمه الله et on a vu dans les cours précédents dans le cours 23 et 24 23, c'était l'assise concernant la description du paradis. Et le cours 24, c'était la description des gens du paradis. Sallallahu alayhi wa sallam, nija'alana min ahliha. Qala rahimahullah. Alors dans le cours 25, il a intitulé par la description de l'enfer. Qala rahimahullah. Alhamdulillah, il hayy al-qayyum, al-baqi wa ghayruhu la yadoum. رفع السماء وزينها بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في التخوم صور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم تفتح أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جزء مقسوم وتوصد عليهم في عمد ممددة فيا للهموم والغموم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فما منهم مرحوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما هطلت الغيوم وسلم تسليما قال رحمه الله إخواني لقد حذرنا الله تعالى في كتابه من النار وأخبرنا عن أنواع عذابها بما تتفطر منه الأكباد وتتفجر منه القلوب حذرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزداد حذرا وخوفا فاسمعوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع عذابها لعلكم تذكرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا وقال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وقال تعالى مخاطبا لإبليس إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير تكاد تميز من الغيظ وقال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وقال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وقال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا وقال تعالى وما أدراك ما هي نار حامية وقال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وقال تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وقال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وقال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وقال تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وقال تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وقال تعالى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والآيات في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة. Dans la description de l'enfer, le Cheikh رحمه الله, après avoir loué Allah عز وجل, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète صلى الله عليه وسلم, sa famille, ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: mes chers frères, Allah nous a mis en garde contre l'enfer et il nous a informé de certains de ces châtiments terrifiants qui arrachent le cœur. Allons-nous en informer par miséricorde envers nous afin que nous prenions nos précautions et craignions son châtiment. Lisez donc dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam les horreurs qui s'y trouvent. Peut-être vous rappellerez-vous. Revenez à votre Seigneur repentant et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous parvienne et vous n'aurez alors aucun secours. Allah Azza wa Jalla a dit: et craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Il a dit Azza wa Jalla: et nous avons préparé des chaînes, des carcans et un feu ardent pour les mécréants. Il a dit Subhanahu wa Ta'ala: et nous avons préparé pour les injustes un feu qui les entoure de toutes parts. Il a dit Azza wa Jal, en s'adressant à Iblis: excepté ceux qui suivront parmi les égarés. Excepté ceux qui te suivront parmi les égarés. L'enfer, il sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes et chacune d'entre elles, elle aura sa part déterminée. Et il a dit Azza wa Jal, et les mécréants seront conduits en groupe à l'enfer. Lorsqu'ils y seront, leurs portes s'ouvriront. Et il a dit Azza wa Jal, et ceux qui ont mécru en leur Seigneur, ils auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils entendront son gémissement et son bouillement, pour peu s'en faut qu'elle n'éclate de rage. Et il a dit Azza wa Jal, le jour où le châtiment les enveloppera de haut et sous leurs pieds. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, ils seront couverts par des nuées de feu et d'autres couches s'étendront au-dessous d'eux. Voilà le châtiment contre lequel Allah a mis en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Il a dit Subhanahu wa Ta'ala, et les gens de la gauche, et qui te dira qui sont les gens de la gauche? Ils subiront un souffle brûlant et ils seront abreuvés d'une eau bouillante. Sous une ombre de fumée noire, ni fraîche, ni douce. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, ils dirent, à savoir les hypocrites, ne partez pas, sous la canicule, dit l'enfer est encore plus chaud. Et il a dit Azza wa Jal, et qui te dira ce qui se précipice, c'est un feu ardent. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, certes les criminels sont dans l'erreur et la folie. Le jour où ils seront traînés dans le feu sur leur visage, goûtés au contact de Saqar, la chaleur brûlante de l'enfer. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, et qui te dira ce qui est Saqar? Il ne laisse rien et il n'épargne rien, il brûle la peau et il la noircit. Il a dit Subhanahu wa Ta'ala, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges très forts et rudes qui ne désobéissent pas aux ordres d'Allah Azza wa Jal et ils exécutent tout ce qu'ils commandent. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, le feu jette des étincelles aussi grandes que des chameaux et dont la couleur ressemble au chameau roux. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, et ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés dans des carcans, leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, lorsqu'ils seront enchaînés les carcans au cou, traînés dans l'eau bouillante, puis jetés en enfer. Et il a dit Subhanahu wa Ta'ala, les mécréants auront des vêtements de feu taillée sur mesure, tandis que sur leur tête, il sera versé de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre ainsi que leur peau. Ils seront frappés par des mailles en fer, et à chaque fois qu'ils voudront s'en échapper à cause de leur détresse, on les remettra et on leur dira « Goûtez au châtiment de la fournaise ». Il a dit subhanahu wa ta'ala « Certes, ne brûleront bientôt dans le feu ceux qui n'ont pas cru en nos versets. Et à chaque fois que leurs peaux auront été consumées, ne les remplaceront par d'autres peaux afin qu'ils goûteront au châtiment. » Il a dit subhanahu wa ta'ala « L'arbre de Zakoum, elle sera la nourriture de tous les obéissants endurcis, comme du métal fondu et bouillant qui bouillonnera dans leur ventre, comme l'eau en ébullition. » Et il a dit subhanahu wa ta'ala, il a dit au sujet de cet arbre, c'est un arbre qui prend ses racines dans les profondeurs de la fournaise. Ses fruits ressemblent à des têtes de diable. Il a dit azza wa jal, ce jour-là, vous les égarés mécréants, vous mangerez certainement de l'arbre de Zakoum, vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus de l'eau bouillante que vous avalerez à la manière des chameaux assoiffés. Tel est le repas d'accueil le jour du jugement. Il a dit Azza wa Jal, et s'ils réclament à boire, alors ils seront abreuvés d'une eau semblable à un métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Il a dit Azza wa Jal, ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, il sera abreuvé d'une eau fétide, purulente, qu'il tentera d'engurgiter à petite gorgée, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts sans qu'il puisse mourir. Pour autant, il aura devant lui un dur châtiment. Il a dit Azza wa Jal, certes, les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne sera jamais interrompu et dans lequel ils seront remplis de désespoir. Nous ne leur avons fait subir aucun tort, mais c'est plutôt eux qui étaient injustes. Ils crieront au Malik, que ton Seigneur nous achève. Il répondra, vous y êtes plutôt pour y rester éternellement. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, leur refus sera l'enfer chaque fois que sa chaleur diminuera, ne la raviveront. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui mécroient, ils sont injustes, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider au droit chemin. Ils seront uniquement guidés au chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile pour Allah. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, on les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut le cas auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond. Il a dit subhanahu wa ta'ala, et quiconque désobéit à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et il a dit azza wa jal, et qui te dira ce qui est le hutama, le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur. Il se renfermera sur eux, scellés par de longues colonnes enflammées. Et les versets sur la description et le détail de ces châtiments éternels sont très nombreux dans le Coran. Amma al-hadith, fa'an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqal, yu'ta bin nari yawm al-qiyamah, laha sab'una alf zimam, ma'a kulli zimamin sab'una alf malak, yajurrunaha. Allez, on a l'air de l'air de l'air. Sab'una alf zimam. والزمام هو المكان الذي يقبض منه الشيء. لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، يعني الذين يجرون النار إلى أرض المحشر كم؟ 4,900,000,000 ملك، 70,000 في 70,000، هذا العدد الهائل لجر. وما قال يأخذونها أو ينقلونها، قد يجرونها لثقلها، يعني مع مشقة. هذا العدد الهائل وملائكة ويجرونها. رواه مسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء، ناركم هذه ما يوقد بنو آدم هذه جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية، والله هذه النار تكفي أن تكون عذاب، فكيف أن تكون مضاعفة 70 مرة؟ قالوا: والله يا رسول الله إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني مضاعفة 70 مرة. وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وجبة يعني صوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها، يعني هذا هو عمقها، وقع حجر منذ 70 سنة، فمكث 70 سنة في السقوط حتى بلغ القعر. لا إله إلا الله. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو يخطب: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا قطرة واحدة لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، قطرة واحدة لأفسدت على الدنيا معايشهم. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهول أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان، يعني خيطان لحال حذائه أو لنعله، من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه مسلم وللبخاري نحوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يعني الغمسة واحدة تنسي نعيم الجنة كله، تنسي نعيم الدنيا كلها. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، وفي رواية يغمس، يعني يدخل ويخرج، يغمس في النار والآخر يغمس في الجنة. فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. رواه مسلم. يعني أن أهل النار ينسون كل نعيم مر بهم في الدنيا، وأهل الجنة ينسون كل بؤس مر بهم في الدنيا. وعنه، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. قال: فيقول، يعني الله عز وجل، فيقول له: قد أردت منك ما أهما ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم بأحمد. وروى ابن مردويه عن يعلى بن منبه وهو ابن أمية، عن يعلى بن منية وهو ابن أمية ومنية أمه، قال: ينشئ الله عز وجل لأهل النار سحابة فإذا أشرفت عليهم ناداهم: يا أهل النار، أي شيء تطلبون؟ وما الذي تسألون؟ فيذكرون بها سحائب الدنيا والماء الذي كان ينزل عليهم، فيقولون: نسأل يا رب الشراب. قال: فيمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمرا يلهب النار عليهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات، يعني الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن، نعوذ بالله. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. قال الحسن البصري رحمه الله: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها. وقال ابن الجوزي رحمه الله في وصف النار: قال: دار قد خص أهلها بالبعاد، وحرموا لذة المنى والإسعاد، بدلت وضاءة وجوههم بالسواد، وضربوا بمقامع أقوى من الأطوال، الجبال، عليها ملائكة غلاظ شداد، لو رأيتهم في الحميم سريحون، وعلى الزمهرير يطرحون، فحزنهم دائم فما يفرحون، مقامهم محتوم فما يبرحون، أبد الآباد، عليها ملائكة غلاظ شداد، يبكون على تضييع أوقات الشباب، وكلما جاد البكاء زاد، عليها ملائكة غلاظ شداد، يا حسرتهم لغضب الخالق، ويا محنتهم لعظم البوائق، يا فضيحتهم بين الخلائق، على رؤوس الأشهاد، أين كسبهم للحطام؟ وأين سعيهم في الآثام؟ كأنه كان أضغاث أحلام، ثم أحرقت تلك الأجسام، وكلما أحرقت تعاد، عليها ملائكة غلاظ شداد. ثم قال رحمه الله: اللهم نجنا من النار، وأعذنا من دار الخزي والبوار، وأسكننا برحمتك دار المتقين الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ رحمه الله il dit quant au hadith qui concerne ce sujet, il dit: Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer, il sera amené au jour de la résurrection, il sera traîné, c'est pas porté, et ça c'est tellement qu'il est lourd, il sera traîné par 10 000 chaînes, voilà, 10 000 brides ou mailles, chacune d'entre elles, elle sera tirée par 70 000 anges. Et ceux qui vont traîner l'enfer jusqu'à la terre du jugement, combien? 4 milliards 900 millions. 11. 70 000 anges sur chaque mal. Et il y en a 70 000 mal. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce feu que l'enfant d'Adam allume constitue 1/70 du feu de l'enfer. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, par Allah que celui-ci, il est déjà suffisant. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui de l'enfer le surpasse 69 fois. et chacune étant aussi ardente que celui-ci. Et il rapporte à Bouhari radiallahu anhu aussi, il a dit, nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous entendîmes un bruit sourd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interrogea, savez-vous de quoi s'agit-il? Nous dîmes, Allah et son messager le savent mieux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pierre qu'Allah a jetée en enfer depuis 70 années. Depuis tout ce temps, elle tombait jusqu'à atteindre le fond. Et Utba ibn Ghazwan rapporte, radiallahu anhu, il a dit, on nous a dit qu'une pierre qui est lancée du bord de l'enfer et s'y précipite pendant 70 ans sans atteindre le fond. Par Allah, l'enfer il sera rempli. Est-ce que cela vous étonne? Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une goutte de Zakoum elle venait à tomber sur terre, elle détruirait toute trace de vie, yani leur moyen de subsistance. Ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a considéré faible. Et Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, me rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne la moins châtiée en enfer, elle portera deux sandales de feu nouées avec des lacets de feu qui feront bouillir sa cervelle comme l'eau dans la marmite. Il pensera être la personne la plus châtiée alors qu'il aura le châtiment le plus léger. Et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, on amènera la personne la plus privilégiée de ce bas monde, mais qui fait partie des condamnés au feu. Et on la plongera une seule fois dans l'enfer. Puis on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu connu le moindre bien? As-tu goûté au moindre bienfait dans le bas monde? Il répondra, non par Allah, ô Seigneur. Puis on fera venir la personne qui a subi le plus de malheurs sur la terre, mais qui était promise au paradis. Et on l'y plongera une seule fois au paradis. On lui dira ensuite, ô fils d'Adam, as-tu déjà connu le moindre malheur ou as-tu subi la moindre épreuve? Il répondra, non par Allah, ô Seigneur, je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté. C'est-à-dire, il dit que les gens de l'enfer oublieront tous les délices dont ils auront profité dans ce bas monde. Et les habitants du paradis, quant à eux, oublieront la terre et tout ce qu'elle contient. La donnerais-tu en rançon pour échapper à l'enfer? Il dira oui. Allah lui dira, et pourtant, je t'ai demandé moins que cela, alors que tu étais encore dans les reins d'Adam, que tu ne m'attribuais aucun associé, mais tu as préféré me donner des associés. Et Ya'la ibn Munya, radiyallahu anhu, a dit, Allah créera des nuages de feu par lesquels il recouvrira les gens de l'enfer. Et lorsqu'ils seront au-dessus d'eux, il leur dira, aux gens du feu, que voulez-vous? Que demandez-vous? Ils se rappelleront les nuages et l'eau qui ont descendu dans ce bas monde. Et ils diront, ne voulant à boire au Seigneur, il fera leur tomber sur eux des carcans et des chaînes qui s'ajouteront à ceux qu'ils portaient déjà, ainsi que des braises qui attiseront le feu sur eux. Et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois catégories de personnes ne rentreront pas au paradis. Alors l'alcoolique invétéré, celui qui rompt les liens de parenté et celui qui croit en la sorcellerie, yani en la pratiquant et en la demandant à autrui. L'alcoolique avéré, il sera abreuvé par Allah d'un fleuve nommé Al-Ghouta. On lui demanda, et qu'est-ce qu'Al-Ghouta au messager d'Allah? Il dit, un fleuve rempli de ce qui émane des parties intimes des fornicatrices dont l'odeur insupportera les gens de l'enfer. Et Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a pris l'engagement envers celui qui boit une boisson enivrante de lui donner à boire, mais de Tinat al-Khabal. On demanda, et qu'est-ce que Tinat al-Khabal au messager d'Allah? Il dit, c'est la transpiration ou le pus des gens de l'enfer. Comme il est rapporté également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira aux juifs et aux chrétiens, que voulez-vous? Ils répondirent, nous sommes assoiffés au Seigneur, abreuve-nous, on leur indiquera alors un endroit où s'abreuver et on leur dira, n'y allez-vous pas? Ils seront alors ramenés vers l'enfer qui ressemblera à un mirage dont les parties se détruisent les unes les autres et ils tomberont en enfer. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, que penses-tu d'un groupe de gens qui sont restés debout 50 000 ans sans rien manger ni boire, au point où leurs coups sont pliés de soif et leurs ventres sont déchirés par la faim. Et ils seront ensuite conduits au feu, ils seront abreuvés d'une source de l'eau bouillante dont la température a atteint son paroxysme. Et l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit en décrivant l'enfer, il dit c'est une demeure dont les habitants sont expulsés et éloignés de la miséricorde d'Allah, qui sont privés de leurs souhaits et de toute félicité, dont la clarté du visage est remplacée par la noirceur de l'obscurité, qui sont frappés par des mailles plus dures encore que les montagnes élevées, et qui est gardée par des anges durs et sans pitié. Et vous pouviez les voir dans l'eau bouillante se noyer, et dont le froid glacial être jeté, leur tristesse est éternelle. Ils ne connaîtront plus jamais de bonheur. Chacun d'entre eux aura une place bien définie à laquelle il ne pourra jamais échapper, et ce pour l'éternité. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Ils pleureront et ils se lamenteront sur le temps qu'ils ont perdu dans leur jeunesse passée, et ces pleurs ne feront qu'augmenter. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Quel malheur face à la colère du Créateur et à laquelle ils ne pourront échapper. Et quelle épreuve de ne pouvoir se dérober face à cette immense calamité. Quelle honte les couvrira face aux témoins et devant l'humanité. Où sont les riches? Où sont les richesses qu'ils ont amassées? Quels bénéfices ont-ils tirés de leurs péchés? Ils sont semblables à des mirages passés. Puis leurs corps seront calcinés et chaque fois ils auront brûlé, ils seront remplacés. L'enfer est gardé par des anges durs et sans pitié. Après la dirahimahullah à la fin, « Oh Allah, sauve-nous de l'enfer et préserve-nous de cette demeure pleine de honte et de perdition. Installe-nous par ta miséricorde dans la demeure des pieux et des bienfaisants. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde. Tu es toi le plus miséricordieux des miséricordieux. » Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Radiyallahu anhum. Allahu ta'ala ala alam, subhanahu wa bihamdik, shidallah ilahi, ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.